lavage de cerveau sur la ligne de front. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être entre de bonnes mains. La calache au poing. Au martyr, au martyr. Yeah. Yeah. We'll be right back. ici la mort aura le plafond. Retourne-toi, il y a bien pire. Tant que la bête du monde respire, et même blessé à en mourir, son agonie va nous réduire. Comme des loups solitaires, la foi entre les dents. Comme des loups solitaires, affamés pour longtemps. Par des machines arrière, passe les revenants. Comme des loups solitaires, comme des loups solitaires. On est venu avec Frankenstein. Dormez tranquille, tout ira bien, jeunes gens. We'll be right back. Merci de faire un triomphe à Shanghai la guitare. We'll be right back. Merci beaucoup. We'll be right back. Thank you. Nicolas Lumière et Mazarin ensemble, du bruit pour eux. Et les latéraux aussi, qu'on voit jamais. Mais sans eux, on n'est rien non plus. Arnaud, big up, viens, ramène-toi. Tiens, ramène ta fraise, je vais te poser les guitares. Viens. Du bruit pour Arnaud aussi avec nous, viens. Le prochain morceau est un morceau à propos de la résistance. Et vu ce qui se passe en ce moment avec les cheminots, les étudiants et les autres, la résistance, il y en a bien besoin en ce moment. Un morceau sur la résistance chilienne. La résistance chilienne de Pablo Neruda, celle de Victor Jara. La résistance chilienne de Salvador Allende. Suerte Chile, suerte hombres, suerte mujeres. Nous gagnerons, même si tu ne le crois pas. Nous gagnerons. mort, même si tu ne le crois pas.